Toujours à l'occasion de la journée de la brillante étoile, le séminaire international par Internet a eu lieu sous les auspices communs de l'Association d'amitié avec la Corée et du Comité préparatoire espagnol pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec Toussaint 2017. Au séminaire, tenu sous thème « Son Excellence Monsieur Kim Jong-il sera éternel dans le cœur du peuple coréen et des peuples progressistes du monde », ont pris part le président de l'Association d'amitié avec la Corée et les représentants de ses filiales, ainsi que les personnalités des formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen et des organisations d'études et d'étudiants dans divers pays. Les orateurs y ont exalté vivement la vie sublime du général Kim Jong-il, qui a accompli les exploits de portée historique mondiale à transmettre à jamais dans l'histoire de l'humanité, avec la prévoyance idéologico-théorique, la direction imminente et la grande pratique révolutionnaire. Pendant la période du séminaire, plus de centaines de milliers de personnes ont lu leur page spéciale.